mandat tacite pour signer des chèques. La secrétaire comptable d'une SARL, fille du gérant, a émis des chèques pour le compte de la société sans procuration. Devant son comportement, la SARL a agi en responsabilité contre la banque teneur de compte pour avoir payé ses chèques sans avoir vérifié que leur signature n'était pas celle du gérant. L'action de la SARL a été rejetée. En effet, bien qu'elle n'eût aucune procuration pour le faire, la fille du gérant avait émis un grand nombre de chèques pendant plus de 4 ans sous sa signature personnelle sans que le gérant ne soulève de contestation. Il résultait de ce fonctionnement de la société, au caractère familial, que le gérant avait donné à sa fille un mandat tacite d'émettre des chèques. Le comportement de la SARL excluait donc toute négligence fautive de la banque.